pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc, bonsoir à tous. Il est 0h14 sur Fun Radio et c'est les débats de Gérard du jeudi. Donc, vous pouvez nous appeler au 0803-085000 et c'est Manu et Apolline qui vous y attendent. Ouais, bonsoir. Et Apolline, tu pourrais quand même dire bonsoir. Mais ouais, bonsoir, ça va là. Putain, mais maintenant, t'es content, j'ai dit bonsoir, merde. Non, tu vas te calmer toi là-bas et j'espère que ce soir tu vas nous faire du bon boulot. Mais ouais, t'inquiète, Gérard, c'est bon là, le standard, je peux très bien le faire dans le bureau par téléphone. Ouais, ouais, c'est bon, c'est ça. Donc, alors rien sur le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct, c'est Fildar. Bonsoir à tous. Et sur l'internet www.fenradio.fr, c'est Rigo. Oh là, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, c'est bon, Rigo. Bonsoir. Et sur... oui, ben bah voilà. Donc le débat ce soir, ça porte sur la radio. Donc, on va accueillir pour ça... Ouais, Rigo, c'est bon, on a compris. On va accueillir Petite Fréquence, 24 ans de Lyon. On peut écouter Fun Radio sur quelle fréquence, s'il te plaît? 93.3, salut Gérard. 93.3, ok. Salut. Et on va accueillir Skyfrock, 22 ans de Brest. Ouais. On peut écouter Fun Radio sur quelle fréquence? Alors, on peut écouter Sky sur 117.5. Ok, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Ok. Donc, ce soir, le débat, ça porte sur les radios. Donc, pardon. Donc, je vais vous poser la première question. Ouais. Donc, croyeriez-vous que la radio vous rende intelligente ou pas? Donc, tiens, Skyfrock, pour toi. Alors, écoute, moi, je croiriez que, a priori, la radio, ça abrutit quand même un petit peu les neurones. Et je pense que t'as bien cerné le problème. Ouais, mais précise. Écoute, tu veux que je devienne vulgaire, c'est ça? Mais non, mais précise le fond de ta pensée. Je vais te préciser le fond de ma culotte en même temps. La radio, je pense que ça fracasse la tête et voilà, t'en es la preuve vivante, quoi. Ok. Donc, petite fréquence pour toi. Ah, moi, je pense au contraire que ça te met plein de neurones dans ta petite tête. Mais non. Quand tu t'écoutes, par exemple. Mm-hmm. Moi, j'ai des cassettes et je me les passe toute la journée et j'apprends à être intelligent grâce à toi. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et mes couilles dans un cyber, dans la petite maison d'un prairie aussi, hein. Aussi, ouais. D'accord. Mais je préfère quand même Drôle de Dame parce qu'au moins... Oh, c'est moi qui te commande, j'ai dit, d'accord. Au moins, il y a des cochonnes dans Drôle de Dame. Ouais. Ah, genre, ta gueule, Skyfrock, tu ferais mieux de fermer ta gueule, toi, parce que tu vas jurter. Parce que déjà, toi, j'ai reconnu ta voix et comme par hasard, hier, j'avais dit que je voulais pas d'habituel. Et comme par hasard, là je crois que ça va pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ta gueule. Donc, moi, je vais vous répondre à la question. Donc, moi, en ce qui me concerne, je peux vous dire que écouter la radio, ça vous rend pas spécialement intelligente. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'il y a quand même des radios qui sont faites pour ça. Donc, mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, et toi, Gérard, tu crois que c'est intelligent d'écouter un animateur qui fait des débats tous les jeudis soirs alors qu'il va bosser sur d'autres radios en cachette? Putain, putain, merde, putain, l'enculé. Vas-y, colle-le. Dégage. Gérard. Oh, t'es mort, connard. Oh, Dégage, toi, connard. Rigole, toi, derrière. Tu vas voir, tout à l'heure, tu vas prendre le micro dans ta gueule, d'accord? La prochaine fois que tu recommences à ouvrir ta gueule, je t'éclate, je te préviens. Hein. Donc, Gérard, oui, d'accord. Donc, oui, Rigo. Oui, Gérard, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si t'as pensé à faire une radio de ton anus depuis que t'as fait des soirées sodo. Non, de toute manière, l'autre Turpentine de IRC, je veux plus l'entendre avec ses questions pourries. Donc, avant d'attaquer la conclusion, il y a un sondage. Donc, pour la question, croyez-vous que la radio vous rend intelligente ou pas, pardon? Il y a 89% des gens qui boufferaient bien les tétons d'Apolline dans les chiottes. Donc là, ça c'est des conneries comme d'hab. 75% des gens me chient dans le bec s'ils aillent se faire enculer. Et 42% des gens ne parlent pas la bouche pleine. Donc là, ça c'est des conneries comme d'hab. Donc toi... Tiens, Apolline, tu vas te faire enculer avec tes sondages, tu peux te ramener à la cheminée avec. Donc, on va attaquer la conclusion. Donc, Skyfrock, pour toi? Ouais, écoute, la question à savoir si je bande des Skyfrock, t'as un sans-fil? Mais non, mais pas du tout, c'est un portable. Donc pour toi? je te disais donc savoir si je bande SM, oui tout à fait, et quand tu veux te faire fouetter dans un donjon, tu m'appelles. Ok, ouais. Bah moi je t'emmerde connard, va te faire sur dos. Donc petite fréquence pour toi. Bah moi pour conclure, je dirais que la radio ça rend pas forcément intelligente, on est la preuve vivante, et sinon moi je veux bien aller me faire fouetter dans un donjon. Y a pas de problème. Ok, bah vous avez qu'à vous passer les numéros en antenne et okay. Vous verrez ça avec l'autre connard de Fildar. Donc ta gueule toi pédé. Donc le débat ce soir comme d'hab c'était de la merde, parce que si Fildar il avait pas foutu sa merde à Pauline qui nous fait des conneries, donc là c'est même pas la peine qu'elle aille se plaindre à Max pour dire ouais c'est de ma faute parce que Gérard il gueule de trop. Donc toi je te préviens d'une chose, toi la pétasse là t'as intérêt à fermer ta gueule, hein, d'accord? Mais non ça va là, c'est bon là. Ok, donc Rigo on arrive à combien sur internet? Oui, Gérard, énormément de monde, puisqu'on a atteint les 10 214 internautes, pardon. Donc le record est bien battu ce soir, et conclusion IRC de Turpentine, Yankee et Daily One, qui te disent tous les trois en même temps, comme d'habitude, ton débat n'avait encore ni queue ni tête comme toi. Ouais, bah, comme par hasard. Mais si Fulgar avait pas foutu sa merde avec Apolline, on n'en serait pas arrivé là, et de toute manière, il y a que toi et Manu qui a fait du bon boulot ce soir. Donc, dans un instant, vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub jusqu'à 6h. Et dimanche 22h, Max avec toute sa Dream Tease pour la radio libre et balade de nuit. Donc, on va s'écouter un petit disque. J'ouvre bien l'arrêt de ma turbine à chocolat pour que tu puisses y mettre ta grosse antenne télescopique. Donc, à la prochaine et bonne nuit à tous.